Chapitre 8. Le secret inviolable. Quelque brisé que se sentit l'abbé Pomereul, il n'en voulut pas moins s'occuper dans tous leurs détails des affaires nombreuses que la mort de son père laissait en suspens. Sa première démarche importante fut de se rendre à Charenton, afin de sauvegarder les intérêts de la population ouvrière et ceux de Sabine et de Xavier. Sulpice manda le contremaître de la fonderie, les chefs d'atelier de ciseleurs, de monteurs, et leur dit avec une franche bonté « Mes amis, votre prospérité comme la nôtre repose dans vos mains. Si j'ai pu vous guider dans la droite voie, enseigner à vos enfants l'Évangile et vous faire aimer toutes les choses de Dieu, je reste impuissant à porter le fardeau de la fabrique. » Si nous cédons la suite de nos affaires dans les circonstances actuelles, il est plus que probable que nous le ferons dans des conditions désastreuses. Des bruits de guerre circulent. Les hostilités avec la Prusse peuvent commencer d'un jour à l'autre. Le commerce souffrira forcément, fatalement. Le plus sage est donc de continuer ce que mon digne père réalisait si bien grâce à votre honnêteté et à votre dévouement. À partir de ce jour, vous ne serez plus seulement les employés, les ouvriers de la maison Pomereul, mais ses associés. Notre fortune commerciale devient la vôtre. Seul, vous réglementerez les travailleurs placés sous vos ordres. Si leur conduite a été exemplaire jusqu'ici, aidez-moi à l'améliorer encore. Des soins nombreux, difficiles, réclameront désormais une partie de mes heures. Suppléez à ce que je ne pourrais faire. Accordez-moi cette allégresse à la douleur qui m'oppresse de me dire « Les travailleurs, les femmes, les enfants sont dans le chemin de la vertu et rien ne les fera dévier. » « Rien, je vous le jure, monsieur l'abbé, au nom de tous mes camarades !» répondit Blancadet. « Pour ce qui est de l'association aux bénéfices, comme il s'agit de l'avenir de nos familles, nous acceptons avec reconnaissance. Dieu veuille, et nous l'en prions tous, que la perte de votre digne père soit le dernier de vos chagrins. Est-ce que vous ne viendrez pas officier à notre chapelle, monsieur l'abbé ? Dit le chef des modeleurs. Je vous consacrerai la journée du dimanche, mes amis. Le plus grand allègement que je puisse trouver à mes peines est de vivre au milieu de vous. Adieu, au revoir plutôt. Je suis tranquille désormais. » Il se passa une scène touchante entre l'abbé Pomereul et les ouvriers de la fabrique. Tous avaient des larmes dans les yeux, et Sulpice se défendait mal contre son émotion croissante. Quand il quitta Charenton, il se sentait cependant plus tranquille. Les intérêts de son frère, de sa sœur, se trouvaient préservés, et les braves gens qu'il considérait comme faisant partie de la famille n'auraient point à souffrir. Rentré à l'hôtel Pomereul, l'abbé Sulpice passa dans l'appartement de Xavier. Le plus grand désordre y régnait. Les domestiques, par une sorte de crainte superstitieuse, n'avaient point osé y pénétrer depuis que la justice y avait fait les perquisitions légales. Sulpice ouvrit le secrétaire. Il regorgeait de papiers de toutes couleurs, bleu, blanc, rose, à têtes imprimées. C'étaient les factures des fournisseurs. Le jeune prêtre les classa par date, les catalogua, puis en additionna le total. Malgré l'énorme chiffre qu'il donna, Sulpice fit prévenir les créanciers qu'ils eussent à en venir toucher le montant le lendemain. En même temps, il envoya au comte de Montjoux les 40 000 francs perdus par son frère, en faisant présenter les excuses de celui-ci pour le léger retard mis dans ce paiement. Il sembla ensuite à Sulpice qu'il respirait plus à l'aise. Un moment, il se demanda s'il vendrait les chevaux et les voitures de Xavier. « Non, » dit-il, « ce serait jeter sur lui un blâme, et rien ne doit ajouter au danger de sa situation. » Il venait de terminer ses comptes, de prendre ses arrangements, quand, en sortant de l'appartement de Xavier, il rencontra le docteur. « Vous êtes venu prendre des nouvelles de Sabine, monsieur Morvan ?» lui dit Sulpice. « Et je vous en remercie. La chère créature est bien faible, bien brisée. Elle ne court néanmoins aucun danger. C'est une enfant héroïque et chrétienne qui cherche sa force en haut. Je m'inquiète moins d'elle que de son malheureux frère. Monsieur Xavier a perdu cette belle vitalité de la jeunesse qui est un de ses apanages. Si le désespoir s'empare de lui, je crains pour sa raison. Docteur, que dites-vous là? Une vérité terrible, monsieur l'abbé. L'éveil, l'abus des plaisirs ont usé cette organisation. Il ne faut pour l'abattre d'une façon absolue qu'un coup violent, décisif. Alors je ne répondrai de rien. Heureusement, Xavier est seulement sous le coup de la prévention et peut être relâché promptement. Ma conviction est bien faite à son égard, il est innocent. Mais réussira-t-il à le prouver? Ah, vous le croyez, vous? Moi, j'en suis sûr, et M. Aubry partage cet avis. Malheureusement, M. Gobert accumule les charges, et le seul témoin du meurtre est un être qui, doué d'intelligence à un degré supérieur, n'a pas reçu le don de la parole. Liplap? Demanda le prêtre. Oui, la pauvre créature semble comprendre que l'on aura besoin d'elle. Parfois, ses yeux paraissent m'interroger, ses lèvres s'agitent. Liplap pousse alors un cri douloureux et de grosses larmes roulent dans ses yeux. Soyez tranquille, je guérirai Liplap, et je le lancerai ensuite à la piste des coupables. Sûr qu'il les découvrira plus vite qu'un limier de la police, si fin qu'il soit. Vous avez raison, dit Sulpice après avoir un moment gardé le silence. Cet être infime sera peut-être le moyen dont Dieu se servira pour révéler la vérité. Cette vérité qui échappe au magistrat et qu'il n'est pas en mon pouvoir de faire luire. En ce moment, une plainte douloureuse s'éleva dans la chambre voisine, et le docteur dit à l'abbé Pomerol : Liplap a reconnu votre voix, il vous appelle. Le docteur ouvrit la porte et Sulpice entra. En apercevant son jeune maître, le chimpanzé se souleva et tendit un de ses bras vers lui. Son regard abattu par la souffrance pétilla de joie. Puis, vaincu par la faiblesse, il retomba en arrière. « Tu vois, » dit le docteur Morvan en s'adressant au chimpanzé, « ton maître t'aime, il ne t'oublie pas. » Liplap agita sa tête sur les oreillers, puis, faisant un nouvel effort, il porta vivement la main à son front en faisant le geste d'en arracher les cheveux, puis à sa poitrine. « Voyez, » dit le docteur, « Liplap raconte à sa manière. » C'est bien lui qui arracha une touffe de cheveux à l'un des assassins. C'est celui-là qui blessa le pauvre chimpanzé. C'est celui-là qu'il faudrait retrouver. Oui, pensa Sulpice, car celui-là n'est point Jean Machu, mais son complice à qui je n'ai rien promis, rien. Liplap, voyant que son maître allait s'éloigner, lui tendit sa longue main poilue que Sulpice serra en se souvenant qu'elle avait défendu Pomerol. Depuis la veille, Sulpice n'avait pas vu Sabine. Il la trouva dans sa petite chambre, regardant à travers ses pleurs une photographie qui avait été faite par les soins de Bénédicte Fougeret quelques heures après la mort du malheureux négociant. Certes, cette représentation de la mort violente était épouvantable, et cependant la jeune fille ne pouvait en détacher ses regards. Elle montrait Antonin Pomerol tel que le laissèrent ses assassins, le cou dénudé, le visage convulsé, les yeux fixes, agrandis par l'épouvante, la bouche ouverte par un suprême appel. Cela était horrible, mais palpitant, et la malheureuse fille repaissait sa douleur de cette figure livide, de ces traits bouleversés qu'elle avait vus si reposés, si souriants, si beaux. « Sabine, je t'en prie, » dit l'abbé Sulpice à sa sœur, « donne-moi cette image épouvantable. Oublie que tu as vu notre père ressortir des atroces convulsions de son agonie. Rappelle-toi le cher visage que la veille nous couvrions de baisers. »« Je m'en souviens, Sulpice, et cependant malgré moi mes yeux s'attachent à cette photographie, comme si elle devait me révéler le secret de la mort de notre père et m'apprendre le nom du meurtrier. » Dieu, s'il lui plaît, le fera connaître, Sabine. Jusque-là, demande pour nous deux le courage, pour Xavier la résignation. Eh, peut-il se résigner, le malheureux? Ne doit-il pas maudire la société comme la justice? Qui sait s'il ne me maudit pas moi-même, quand je pense que mes réponses au juge d'instruction ont aidé à faire planer sur lui des soupçons odieux? Si j'avais gardé le silence sur la scène qui se passa entre lui et notre père, peut-être ses soupçons ne l'auraient-ils point flétri. Si Dieu l'a permis, soumettons-nous à sa volonté sainte, Sabine. Ne t'accuse point, ma sœur, tu as fait ton devoir. Et quand pourrons-nous visiter Xavier? À partir de demain, je l'espère. Me mèneras-tu avec toi? Je ne me sens pas le courage de t'avoir à mes côtés pour cette première entrevue, Sabine. Laisse-moi affronter seule d'abord l'explosion de son désespoir. Tu viendras ensuite, comme un ange consolateur, adoucir ce que ce pauvre cœur gardera d'amertume. Hélas, si tu ne ressens pas une plus horrible douleur en songeant à la situation de Xavier, tu as bien plus que moi le droit de le consoler. Mais tu me promets du moins que je t'accompagnerai lors des autres entrevues. Oui, je te le promets. Allons, dit la jeune fille, il faut que j'essuie mes larmes. Si Xavier nous voit trop bouleversés, trop attendris, il croira sa cause perdue. Je vais suivre ton conseil en renfermant ce portrait dont la vue renouvelle mon désespoir. Sulpice quitta sa sœur pour courir chez M. Renaud. L'avocat, prévenu par Bénédicte, venait de mettre son éloquence et son cœur au service du malheureux Xavier. Il n'avait encore pu parvenir jusqu'au prévenu et attendait que le secret fût levé. En arrivant à la conciergerie, Xavier fut, comme cela arrive quand il s'agit d'un homme occupant une situation exceptionnelle, reçu par le directeur de la prison. On introduisit Xavier dans un salon dont l'architecture rappelait celle d'une chapelle, et les premières formalités légales furent entourées d'égards dont le malheureux jeune homme remercia le directeur avec effusion. Celui-ci, sur un mot du commissaire de police, promit de s'occuper activement de Xavier Pomereul et de lui épargner, autant qu'il serait en son pouvoir, les froissements et les dégoûts de la prison. On donna au prévenu une cellule claire, dont les murs étaient depuis peu blanchis à la chaux. Une mince couchette, une table, une chaise composaient tout l'ameublement. Sur sa demande, on lui apporta ce qu'il fallait pour écrire. Xavier, dès qu'il fut seul, commença une longue lettre adressée à Sulpice. Quand elle fut achevée, il la relut, puis resta profondément absorbé dans ses pensées, les coudes appuyés sur la table et la tête plongée dans ses mains. Un guichetier, pénétrant dans sa cellule, l'arracha brusquement à ses méditations. « Hein? Que voulez-vous ? » demanda Xavier. « Je n'ai pas appelé. »« On n'appelle jamais ici, » répondit le gardien. « Voici le repas du soir. » « Je n'ai pas faim, » répondit Xavier. « À votre volonté, monsieur. » Mais monsieur le juge d'instruction va peut-être vous faire subir un nouvel interrogatoire, et mieux vaut dans ce cas se ménager des forces. Quoi ? Le juge d'instruction me questionnera de nouveau ? C'est probable. Et combien de fois se renouvellera cette torture ? Jusqu'à ce que son opinion soit arrêtée et sa conscience de magistrat tranquille. Le gardien sortit. Xavier ne toucha à aucun des mets grossiers que l'on venait de lui apporter. Il s'étendit sur sa couchette, et sans parvenir à trouver le sommeil, il resta immobile, cherchant dans son cerveau fatigué un moyen victorieux, une preuve sans réplique, pour convaincre les juges de son innocence. Mais lui-même n'en trouva pas. Son passé le condamnait à l'avance. Il ne trouvait aucune issue pour échapper à cette accusation formidable. Pas un acte de vertu, de dévouement ne plaidait pour lui pendant les années de sa jeunesse inutile. L'emploi de ses heures était le même depuis 5 années, futile quand il n'était pas dangereux. Il comptait des compagnons de jeu, de souper, de folie, mais il ne s'appuyait pas sur un ami. Bénédicte seule se montrait bon, moins par estime pour Xavier que par égard pour Mademoiselle Pomereul. Que pensait-elle de lui, Sabine ? Que pensait Sulpice ? Il se le demandait avec angoisse. Ses fautes passées leur sembleraient-elles suffisantes pour le charger d'un crime ? Que lui importait l'opinion de la foule si Sulpice et Sabine ne le croyaient pas parricide ? Le directeur vint voir Xavier. Celui-ci le pria de faire parvenir à son frère la lettre qu'il venait d'écrire. « Vous êtes au secret, » lui répondit le directeur. Mais aussitôt que je le pourrai, je m'empresserai de l'expédier. » Le médecin vint à son tour s'informer de l'état de Xavier. Il lui conseilla de manger, de ménager ses forces. Le directeur envoya de sa table un plat léger et le prisonnier suivit l'avis du docteur. Il en reconnut l'utilité dans la soirée, car le juge d'instruction donna l'ordre d'amener Xavier au greffe pour lui faire subir un nouvel interrogatoire. À cette nouvelle, le prisonnier trembla de tous ses membres. Depuis la veille, de si terribles émotions le saisissaient tour à tour et l'étreignaient sans relâche qu'il ne se sentait plus le courage d'en affronter de nouvelles. Le gardien dut réitérer l'ordre du magistrat. Xavier se leva alors péniblement et le suivit en silence. Quand le malheureux jeune homme se trouva en présence de M. Gaubert, il n'attendit point que celui-ci lui adressât la parole. Il lui dit d'une voix altérée « Monsieur, je suis innocent. Vous refusez de le croire. Vous accumulez pour me perdre un échafaudage monstrueux de prévisions, de faits, dans lesquels vous voulez trouver la preuve de ma culpabilité. Je vous le répète à vous, monsieur, comme je le répéterai à la justice, comme je le crierai au monde entier. Je n'ai pas assassiné mon père. Vos questions me sont une horrible torture. Je suis libre de m'y soustraire, et quoi que vous me demandiez, je ne vous répondrai plus désormais. Prenez garde !» fit sévèrement le magistrat. « Et que puis-je craindre de plus redoutable que ce qui m'arrive, monsieur ? Je vous ai parlé tout d'abord avec une entière franchise. J'ai avoué mes folies, mes dettes, la tentative coupable de dérober à mon père la somme qu'il me refusait. Je n'ai rien dissimulé, rien caché. Vous avez fait chez moi des perquisitions. Ont-elles amené la découverte de l'argent que vous m'accusez d'avoir pris ? Votre complice l'a emporté, cet argent. Mais je n'ai pas plus de complice que je ne suis criminel moi-même. Voyons, reprit M. Gaubert. Seul vous avez dérobé les clés et ouvert la caisse. Pendant que vous enleviez les valeurs, votre père, réveillé par le bruit, est entré dans son cabinet. Vous, le fils, vous avez reculé, accablé de stupeur, écrasé de remords. Votre complice, au contraire, croyant s'assurer l'impunité par un nouveau crime, s'est précipité sur M. Pomerol. Une lutte terrible a eu lieu, lutte à laquelle vous n'avez pas pris part, je le concède. Un troisième acteur survient, c'est Liplap, qui défend son maître et tombe frappé à son tour. Votre complice s'évade et vous courez, effrayé, vous enfermez dans votre chambre. Eh bien, j'admets que vous ayez été spectateur impassible du meurtre. Ce meurtre a été commis. Qui a frappé, si ce n'est vous ? Nommez l'assassin, si vous voulez que l'accusation ne retombe pas sur votre tête. « Monsieur, dit Xavier, ma raison s'égare. Ma pensée flotte dans les ténèbres. Je ne me reconnais plus. Je doute presque de moi-même à vous entendre démontrer, avec une lucidité terrible, des faits que vous voyez, que vous rendez visibles, tangibles, et qui m'effarent et m'oppressent comme un cauchemar. Je ne vous répondrai plus, car je vous comprends à peine. Je ne vous répondrai plus, car je me sens devenir fou. Je ne saurais vous y contraindre, mais je déplore, dans votre intérêt, une telle attitude, et je ne dois pas vous dissimuler que votre refus exercera une fâcheuse influence sur l'esprit de vos juges. « Monsieur, reprit Xavier, chaque fois que j'ai entendu prononcer votre nom, ça a été comme celui d'un honnête homme, incorruptible, joignant l'habileté à un grand sens. Si vous m'accusez, les autres juges m'accuseront. Je m'y dois résigner, sinon sans douleur, du moins sans lâcheté. Il est des malheurs que l'on ne saurait prévoir et sous lesquels on tombe fatalement écrasé. » Le juge d'instruction appela le gardien-chef. « Reconduisez, dit-il, Monsieur Pomerol dans sa cellule. » Puis il ajouta en se tournant vers Xavier, « À partir de cette heure, vous n'êtes plus au secret. » « Il me sera permis de communiquer avec ma famille ?»« Dès aujourd'hui, autant que les règlements le permettent. » « J'ai écrit une lettre. Puis-je la faire parvenir ?»« Après que le directeur en aura pris connaissance. » »« Et vous me disiez, monsieur, que je n'étais plus au secret. Qu'y a-t-il donc de plus sacré que la lettre dans laquelle on montre sans honte, sans crainte, à ceux qui nous sont chers, son cœur saignant et déchiré ?»« C'est le règlement, » répéta le magistrat. Xavier se leva et suivit le gardien. Rentré dans sa cellule, il déchira la longue lettre préparée pour Sulpice et se contenta d'écrire « Viens, je t'attends ». Le malheureux passa une nuit sans sommeil. Il compta les heures que lui mesurait la grosse horloge dont il entendait la sonnerie. Le temps lui semblait d'une interminable longueur. Il marche dans sa cellule étroite, s'arrête, écoute si le pas qui retentit dans le corridor n'est pas celui du guichetier lui annonçant la visite de son frère. Enfin, un gardien se présente. « On vous demande au parloir, » dit-il. Xavier étouffe un cri de joie, traverse les couloirs et arrive dans une grande pièce. Il cherche Sulpice et ne le voit point. Alors le guichetier lui montre son frère immobile contre un treillis de fer, séparé par la largeur d'un mètre environ d'une barrière semblable. Xavier ne pourra se jeter dans les bras de Sulpice, l'étreindre sur son cœur. Il ne pourra pas même serrer sa main dans les siennes. Malgré le sentiment d'amère tristesse causé par cette déception, il s'approche du treillage et répète d'une voix tremblante « Sulpice, mon cher Sulpice, c'est toi, enfin, toi, n'est-ce pas que tu ne m'accuses point dans le fond de ton âme, que Sabine me croit innocent ? Nous te plaignons tous les deux, et ton épreuve te rend plus chère à notre tendresse. Tu fus un prodigue, un fou, tu n'es point un misérable. Quel bien tu me fais, Sulpice ! Oh, si d'autres que moi pouvaient entendre ! Dieu permettra bien que la lumière se fasse, Xavier. Si faible, si criminel même que j'ai été, Sulpice, il ne me semble pas avoir mérité du ciel un châtiment semblable à celui qui m'écrase. Je suis innocent, mais comment en convaincre la foule ? Comment le prouver au juge qui, hier au soir, m'interrogeait encore et trouvait contre moi tant d'arguments accusateurs ? Tout ce qui arrive est préparé, machiné avec une habileté si infernale et un concours si fatal de circonstances que, juge, ayant en face de moi l'accusé que je suis, je crois que je le condamnerai comme M. Gobert m'accuse et me condamne. Ah, malheureux, fit l'abbé Sulpice. Il a raison, cet homme, ce juge. Le crime est commis et je suis seul, seul. Il l'a dit, il faut trouver l'autre. L'autre, oui, l'autre, répéta l'abbé Sulpice en pâlissant. Ce misérable qu'il nomme mon complice, je l'appelle, moi, le vrai, le seul, l'unique meurtrier. Mais je suis en prison, je ne puis chercher, courir, guider la justice. Il me semble que si j'étais libre, je le reconnaîtrais sans l'avoir vu jamais, tant son crime a dû laisser de stupeur et de remords sur sa face. À cet homme, ce damné, qui l'amènera devant le juge, le tribunal, avouer sa honte et me rendre mon honneur ? Moi, moi, dit Sulpice entraîné, je le trouverai dans ce Paris, si grand soit-il, je reconnaîtrai la maison, je me jetterai aux pieds de cet homme, je lui dirai, relevez-moi de mon serment, je ne m'appelle pas Caïn, je ne puis pas tuer mon frère. Xavier poussa un cri. Tu le connais ? Fit-il. Tu le connais ? Mais déjà l'abbé Sulpice était revenu de la minute d'égarement pendant laquelle il avait laissé deviner qu'il possédait le secret du drame de la maison Pomerol, et pâle chancelant, il s'attachait des deux mains à la grille qui le séparait de son frère. « Mais alors je suis sauvé ?» dit Xavier. « Tu vas aller trouver M. Gobert, tu lui livreras l'assassin, et je me trouverai lavé de l'horrible accusation qui pèse sur moi, et le misérable subira dans toute sa rigueur la peine de son crime. « Je ne puis faire cela, » murmura Sulpice. « Oui, reprit le prisonnier, tu es prêtre, tu pardonnes même à l'assassin du meilleur des pères, tu pardonnerais à tes propres bourreaux, tu feras ce que ta conscience t'ordonnera, tu appelleras sur ce monstre la miséricorde qu'il n'eut pas pour sa victime. Je ne pourrais pas même cela, mon frère, car il ne m'est pas permis d'aller dire au magistrat « Je sais le nom de cet homme et je vais vous l'apprendre. Oublies-tu qu'il s'agit de notre honneur, Sulpice ? Je ne l'oublie pas. » Que ma tête est menacée, je le sais. Et tu hésites entre ton frère innocent et le misérable ? Je pleure sur mon frère, mais je n'hésite pas. Je ne comprends plus. Je deviens fou, dit Xavier. Tu as surpris le meurtrier et tu ne peux le dénoncer ? Je ne l'ai point surpris. Il m'a tout avoué. Et qu'importe le serment du silence, si tu l'as prêté à un assassin, et si ce même serment peut entraîner ma perte ? Quel est le pouvoir qui t'en délirait? L'archevêque, le souverain pontife lui-même te dirait « Parlez !» Il ne s'agit pas seulement d'une promesse faite à un coupable, Xavier, mais d'un serment prêté à Dieu, serment solennel, dont nul ne me délira, pas même les pouvoirs dont tu parles. Oui, je sais le nom du meurtrier de notre père, et je me tais. Un mot de ma bouche te rendrait libre, et je me tais encore. Je te crie merci et pitié, mon frère, parce que, dusses-tu mourir, je ne pourrais démasquer le visage, ni dire le nom de l'assassin. Tu veux savoir ce qui m'étreint et m'écrase? C'est cette chose sublime et terrible qui s'appelle le secret de la confession. « Ah ! » s'écria Xavier. « Il ne t'oblige point à un silence qui me tue. Ce secret, je le respecte, quand il sert seulement à garantir l'inviolabilité de l'aveu d'un pénitent. Mais cette foi, il y va de ma tête. Tu ne la feras pas tomber pour rester fidèle à ton vœu. Quand tu fis le serment de garder le secret sur les aveux reçus par toi au tribunal de la pénitence, tu ne pouvais prévoir te trouver jamais placé entre ton frère et un meurtrier. Si tu te taisais, Sulpice, ce ne serait plus la loi qui me frapperait, ce serait toi. Je n'accuserais plus les juges, je te maudirais seul. » Ah, fit le prêtre, ce que tu me demandes est impossible. Tu me laisseras accuser, juger? Oui. Tu me verras passer en cour d'assises plutôt que de révéler la vérité? Je donnerai ma vie pour te sauver, Xavier. Je ne puis trahir mes devoirs. Mais ce devoir te rendra fratricide. Mon Dieu, dit Sulpice en tombant à genoux, cette épreuve est trop rude. Xavier crut avoir ébranlé la résolution de son frère et poursuivit. Je sais combien le mot devoir est sacré. Je ne respecte nul homme, nul prêtre comme toi, Sulpice. Pourtant, si tu t'obstinais dans ce cruel silence, ce ne serait plus de la vénération que tu m'inspireras, mais de l'horreur. Xavier, dit l'abbé Pomerol d'une voix brisée, te souviens-tu d'avoir lu, quand tu étais enfant, des livres racontant les actes des martyrs? Pour les pousser à l'apostasie, on envoyait dans leur prison une mère, une sœur, une compagne. Elle se jetait aux genoux du nouveau chrétien. Elle le suppliait de brûler de l'encens devant les idoles et de renier le crucifié. Et elle lui disait ce que tu me dis à cette heure. « Vends ton âme par amour pour nous. »« Oui, dit Xavier, oui, Sulpice, vends ton âme, renie ton Dieu, fausse ton serment de prêtre, encours la damnation éternelle s'il le faut, pour me sauver, mais sauve-moi. » « Ah, malheureux, malheureux, tu as perdu la foi. Je foulerais aux pieds l'image de ton Dieu s'il t'obligeait à me condamner. C'est un maître cruel que celui qui frappe par ton impitoyable honneur de prêtre. Si tu persistais, Sulpice, je crierais à la foule, aux jurés, à la justice. Il sait le nom du coupable et ne le révèle pas, et la justice te le ferait dire. Tu te trompes, Xavier. Elle comprendra la loi de rigueur qui scelle mes lèvres. » Et moi qui ne la comprends pas, je te maudirai quand les témoignages accusateurs s'accumuleront contre moi. Je te maudirai quand je m'entendrai flétrir par l'organe du ministère public, quand le chef du jury apportera la décision de ses collègues. Je te maudirai quand le président des assises lira l'arrêt qui me condamne à la peine de mort, et mon dernier mot sur l'échafaud sera pour te maudire. Miserere mei Deus, balbutia le prêtre. Son visage était livide, ses yeux obscurcis, la voix de son frère lui brisait le cœur. Quant à Xavier, les doigts crispés au treillage de fer, l'œil convulsé, les lèvres couvertes d'une écume rougeâtre, il semblait insensé de désespoir. La vertu de Sulpice exaltait sa douleur jusqu'à la rage. Incapable de comprendre le martyre du malheureux prêtre, il le centuplait par ses cuisants reproches et ses paroles amères. Enfin, ne pouvant supporter la vue de celui qui, à cette heure, suppliait Dieu de prendre sa vie en échange de celle de Xavier, le prisonnier lui cria, en ébranlant avec force la grille de fer à laquelle il se cramponnait. « Va-t'en, va-t'en ! Me laisseras-tu revenir ?» demanda Sulpice. « Non, répondit Xavier, ta vue me fait horreur. Sois maudit, Caïn, Caïn !» Et le prêtre s'enfuit, poursuivi par ce cri terrible. « Caïn, Caïn !